Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Les amis du grain des mots et sur Radio Clapas 93.5. Aujourd'hui au micro des amis, Christian. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Et Marc, et à la technique, fidèle au poste, Pierre-Jean. Alors une émission, on va surtout consacrer à un entretien qui a eu lieu à la librairie il y a quelques mois, la librairie Le Grain des Mots, qui est donc à Montpellier sur le boulevard du Jeu de Paume. Accueillait un écrivain, est-ce qu'on va dire qu'il est japonais, on se peut dire qu'il est français, c'est un petit peu difficile, c'est un japonais qui a adopté la langue française comme domicile littéraire, si je puis dire. Et qui sait honorer la langue française. Et qui l'honore grandement, il s'agit de Akira Mizubayashi, donc on va consacrer une bonne partie de l'émission à cet entretien, des extraits de cet entretien. Mais avant de passer à ça, peut-être rappeler quelques informations, car on oublierait en cours d'émission. Prochainement, à la librairie, le 18 octobre. À 19h. À 19h, comme d'habitude. Ce sera un autre écrivain complètement français, lui, Jean-Marie de Robles. Blas de Robles. Jean-Marie Blas de Robles. J'en oublie chaque fois un petit morceau. Qui viendra nous parler de son dernier livre, publié aux éditions Zulma. Donc exactement. Le 18 octobre à partir à 19h. De 19h, tout à fait. Voilà. Des actualités. Pour l'instant, c'est la principale dont on voulait vous parler. Alors, Akira Mizubayashi, un écrivain donc, qui a adopté la langue française, et il venait nous parler de son dernier roman publié, Un amour de Milan, Milan n'étant pas la durée, mais le nom d'un personnage, le surnom d'un personnage. Et puis, ça va simplement préciser que Akira Mizubayashi, ce n'est pas son premier roman, il a écrit notamment Une langue venue d'ailleurs, et puis Mélodie, chronique d'une passion. Mélodie, ce n'est pas de la musique, c'est son chien. C'est son chien, c'est un magnifique livre. J'y insiste parce que souvent, cette relation avec l'animal de compagnie a un côté un petit peu, allez, je vais oser le dire, un peu bébête, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un très beau livre, très sensible. Voilà. Alors, dans ce livre, Un amour de Milan, Akira Mizubayashi dit lui-même, il y a des chiens, mais il y a surtout de la musique, et quelle musique ! Thank you. Alors, cette musique, c'est Mozart. C'est Mozart, c'est les Noces de Figaro. Alors, dans une interprétation particulièrement revigorante, sous la direction de Theodor Kurrentzis avec l'ensemble Musica Eterna, un enregistrement qui date de 2012 et qui est au cœur du dernier roman d'Akira Mizubayashi, Un amour de 1000 ans. Mais d'abord, laissons l'auteur nous parler lui-même de son œuvre en général. Donc, comme Maxime l'a rappelé, j'ai publié mon premier livre, Une langue venue d'ailleurs, dans la collection L'un et l'autre de Monsieur Pontalis, en 2011. Et mon deuxième livre, qui s'intitule Mélodie, c'est un livre qui raconte la vie et la mort d'un animal, d'une chienne. Mais ce n'est pas, comment dire, je n'ai pas écrit ce livre pour les amateurs de chiens. C'est plutôt un livre, surtout un livre sur la, je dirais, sur la condition humaine. Donc le deuxième volet. Et puis, tout de suite après l'achèvement de Mélodie, je suis passé donc à un autre projet, qui est celui de, comment dire, j'ai immédiatement conçu le projet d'écrire un livre sur la musique, sur Mozart, en particulier sur les Noces de Figaro. Donc tout de suite, le projet initial qui est devenu Un amour de 1000 ans aujourd'hui, a été mis en chantier tout de suite après l'achèvement de Mélodie. Il se trouve que à l'époque, Monsieur Pontalis était toujours en vie, donc j'avais des discussions sur ce projet avec lui, mais en janvier 2013, Monsieur Pontalis nous a quittés brutalement. Et donc voilà, Gallimard a décidé de fermer définitivement cette collection L'un et l'autre, donc j'ai perdu un peu la destination de ce troisième livre. Mais dans mon esprit, le projet avait été conçu comme constituant le troisième volet d'une trilogie possible. Mais comme la collection L'un et l'autre est définitivement fermée, après la disparition de Monsieur Pontalis, je me suis senti orphelin en quelque sorte, et donc il y a eu une période de flottement, d'hésitation. Mais comme Monsieur Roger Grenier, qui a préfacé Mélodie, s'est proposé de me lire, et par ailleurs un autre éditeur de chez Gallimard s'est proposé de me lire, donc la destination suivante, c'était la collection Blanche. Donc l'esprit qui anime l'un et l'autre n'est pas le même que celui de la collection Blanche. Donc il a fallu que je repense complètement ce projet initial. Il fallait que je parte définitivement dans la direction d'une fiction romanesque. Voilà. Alors que le projet initial, ce n'était pas nécessairement une fiction romanesque. Mais aucune ligne n'était écrite à ce moment-là. Donc c'était toujours dans ma tête. Je cherchais une forme idéale, mais la disparition de Monsieur Pontalis a fait que je m'oriente différemment et que je repense de fond en comble le projet initial, et je suis parti définitivement dans la direction d'une fiction romanesque. C'est comme ça que ce roman est né. Voilà. Donc, dans mon esprit, c'est le troisième volet d'une trilogie possible. Donc, il y a des passerelles un peu partout. Il y a des couloirs secrets qui permettent de passer d'un livre à l'autre. Et donc, pour moi, qui ai écrit ce livre, l'idéal, c'est que bon, ça peut se lire complètement indépendamment, mais si le lecteur d'Un amour de 1000 ans lisait Mélodie, et puis Une langue venue d'ailleurs, il trouverait des échos, des effets de miroir, des passerelles, des couloirs secrets qui sont cachés. Et j'espère que ça fait partie du plaisir du lecteur de découvrir de temps en temps, comme ça, de façon un peu inattendue, ces couloirs secrets. Voilà. Alors précisément, en fait, vous avez consacré des textes, disons, d'essais sur, notamment sur Mozart, et vous lui avez consacré des analyses intellectuelles, je veux dire documentées sur le plan historique, sur le plan musicologique aussi, hein. Alors pourquoi, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir choisi cette fois de réaborder les Noces de Figaro par le roman et par la fiction romanesque? Oui. Il se trouve que j'ai écrit tout un livre sur les Noces de Figaro en japonais, une approche très très différente, un peu savante, un peu universitaire, avec beaucoup de citations musicales. Et pour écrire ce livre, Un amour de mille ans, je voulais avoir une approche totalement différente. Alors, pour moi, c'est un opéra. Comment dire? C'est un miracle pour moi, cet opéra, cette musique. Et ce sentiment de miracle, comment le transmettre à mes lecteurs? Et je voulais partager ce sentiment profond que j'éprouve à l'égard de cette musique. Et il fallait trouver un dispositif, une forme adaptée, capable de transmettre ce sentiment mystérieux, mais évident pour moi, au lecteur. Voilà. Et pour cela, il m'a semblé que la forme romanesque était la forme le mieux adaptée à ce désir que j'avais depuis très longtemps. Voilà, transmettre ce sentiment de miracle et le partager avec le lecteur. Alors, on va pas totalement résumer le livre, hein. Il faut laisser aussi Non. aux ceux qui l'auraient pas lu le goût de la découverte, mais on va dire simplement, hein, que le héros de l'histoire, qui s'appelle Sanen, qui, on y reviendra, doit sans doute beaucoup, mais enfin, qui n'est pas vous, en tout cas, puisque c'est un roman, n'est-ce pas? Au soir, donc, est un japonais, professeur, qui est spécialiste du XVIIIe siècle, et il est marié à une Française qui s'appelle Mathilde. Toute ressemblance, n'est-ce pas, avec, serait d'une pure coïncidence. Et à la fin de sa vie, Mathilde et Sennan sont désireux de quitter le Japon, société, on y reviendra d'ailleurs, hein, qui leur apparaît de plus en plus étouffante, marquée par une dérive autoritariste, nationaliste et même militariste, et décide de s'installer à Paris. Et il se trouve que sa nan a reçu un courriel, alors je précise, parce que voilà, le courriel est un des éléments de l'œuvre. Il y a des lettres, il y a aussi des courriels, il y a même. Ça reproduit même la forme du courriel, hein. Oui, C'est c'est ça. voilà. Le courriel d'une chanteuse lyrique que Sanan a connue lorsqu'il était étudiant à Paris en doctorat et qu'il avait découverte lorsque justement il a pour la première fois été à l'opéra, l'opéra Garnier, qu'il a découvert les Noces de Figaro. Elle jouait Suzanne. Et alors, le roman raconte, hein, par une série d'allers-retours entre le présent et le passé, Le le passé, Sennen, oui. c'est. Il y a un écart de 30 ans à peu près, 20, voilà, voilà, 29 ans. oui. C'est deux histoires qui se mêlent, hein, puisque le retour de Sennen à Paris et ce courriel fait naître le désir de retourner à l'opéra, d'écouter à nouveau les Noces de Figaro, et le roman va raconter tout ce passé, comment il a connu Mathilde, comment il a aussi, comme avant, comment est-ce qu'il avait connu cette chanteuse qui s'appelle Clémence. Et le roman va articuler les deux époques temporelles et ces deux histoires. Ce Vuol ballare, signor Gondino? Se vuol ballare, signor Gondino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se tu venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò. Se tu venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò, sì, l'insegnerò, sì, l'insegnerò. Voilà un des airs célèbres donc des Noces de Figaro, un air chanté par le personnage de Figaro, hein, Se vuol ballare, si vous voulez danser. Oh, oui, il chante que Monsieur le Comte qui veut lui prendre sa fiancée, sa future épouse, eh bien, s'il veut faire le malin, il va trouver à qui répondre. Hein, c'est quelque chose qui a fait assez scandale à l'époque. Bah, c'est... Dans le rôle de Figaro, là, c'était Christian von Horn et c'est toujours Théodore Corensis qui dirige l'ensemble Musica Eterna. Et nous retrouvons Akira Mizubayashi qui va nous parler plus précisément d'un amour de Milan et de la place des noces de Figaro dans ce roman. Quelle est la meilleure manière de rendre hommage à cette œuvre et à celui qui l'a créée ? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, voilà, je suis comme un élève de Mozart et j'essaye de réaliser un peu une œuvre en miniature qui ressemblerait à l'opéra du maître. Donc, dès le départ, je suis parti pour créer un univers qui ressemble beaucoup, au point de vue structural, à l'œuvre de Mozart. Donc sur ce plan-là, je n'ai pas hésité du tout. Donc il y a même l'entracte, et puis après le spectacle. Et voilà, je ne sais pas si j'ai bien réussi à construire mon roman en imitant la structure des Noces de Figaro, mais en tout cas, ça m'a semblé une voie inévitable pour moi. Et comme vous avez dit, vous avez consacré un essai en japonais en Noces de Figaro. Est-ce que ça a été difficile, puisque vous êtes écrivain et enseignant-chercheur, comme ça arrive assez souvent. Est-ce que ça a été difficile de se déprendre du tour d'esprit de l'universitaire pour écrire ce roman ? C'était là la difficulté majeure, c'est-à-dire ne pas être trop universitaire, trop dissertatif, ne pas essayer trop expliquer... Voilà. Mais il y avait ce désir. Parce qu'il y a. Comment dire. Donc, par la structure même de ce livre, c'est un hommage. Et puis, par les histoires que je raconte, j'essaye de faire passer ce sentiment dont j'ai parlé tout à l'heure, le sentiment de miracle. Et puis, à l'intérieur du livre, j'avais quand même besoin d'expliquer certaines choses. Pourquoi le personnage principal a poussé sa folie jusqu'à celle de vouloir assister à toutes les représentations des Noces de Figaro d'une saison. Ah, il faut le faire. Hein. Ah, je n'ai pas eu cette folie. Mais je voulais qu'il y ait quelque chose de démesuré dans ces histoires. Donc, le personnage principal, il est allé voir, il a assisté à la première... il a assisté il y a une trentaine d'années à une représentation des Noces de Figaro. Il a été tellement séduit, ensorcelé par, à la fois par la musique et par la figure féminine et du personnage et de la cantatrice qu'il incarnait. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir tous les soirs à toutes les représentations des Noces de Figaro. Et voilà l'histoire. Mais pour rendre vraisemblable un peu cette folie, il fallait que j'entre dans l'univers mental du personnage principal, pourquoi il éprouve ce besoin viscéral d'aller voir ce spectacle et d'aller entendre cette musique. Et donc il fallait que Sennen explique, donne ses raisons, pourquoi il a ce comportement un peu démesuré. Et c'est là que j'ai dû adopter un discours, un peu analytique, un discours qui relève du l'essai littéraire, l'essai musical. Donc c'est un moment un peu, dissertatif, c'est un moment de réflexion. Peut-être je suis déterminé par mon métier de professeur. Je crois que dans tous mes livres, il y a ce moment. Même dans Mélodie, dans le livre qui raconte la vie et la mort de cet animal, il y a sept séquences au cours desquelles le narrateur arrête de raconter l'histoire de Mélodie pour se pencher sur les réflexions philosophiques sur ce qui sépare l'humain de l'animal. Voilà. Donc il y a dans ce livre aussi, il y a ces moments de réflexion philosophique. C'est un moment où le récit s'arrête au profit de la réflexion philosophique. Et dans Un amour de mille ans, il y a quatre lettres écrites par le personnage principal, envoyées à la cantatrice en question, qui exerce une séduction irrésistible. Voilà, donc le personnage principal décide de lui écrire pour lui transmettre son sentiment d'admiration, d'émerveillement. Donc il se trouve qu'il écrit, comme il assiste à toutes les représentations, il y a 11 représentations en tout, il assiste à toutes les représentations et à un moment donné, il décide de lui écrire. Il ne peut pas résister au désir de lui écrire, donc il cède à cette tentation, il écrit une lettre, une première lettre, Et la première lettre porte sur le premier acte des Noces de Figaro. Et ainsi de suite. Donc la deuxième lettre sur le deuxième acte, la troisième lettre sur le troisième acte, la quatrième sur le quatrième acte. Les trois premières lettres, il les adresse à la cantatrice par la médiation d'un agent de l'opéra qui le remarque tout de suite. C'est un spectateur un peu particulier parce qu'il le voit tous les soirs. Et ils finissent par se reconnaître et puis un petit lien d'amitié naît entre les deux. Voilà, donc les trois premières lettres passent par l'intermédiaire de ce personnage, qui n'est pas important, mais qui c'est un personnage tout à fait secondaire, mais il est là. Et la quatrième lettre qu'il envoie, qu'il a écrite au sujet de ce spectacle, il a le plaisir et le privilège de la donner directement à la cantatrice, parce que justement la cantatrice accepte de le voir recevant des lettres passionnées sur l'opéra, sur la musique et sur le rôle qu'elle incarne. Elle est intriguée par ces lettres mystérieuses et ils finissent par se rencontrer. Donc il y a une conversation qui s'engage, etc. Et je ne dis pas plus. Donc ces quatre lettres, vous aurez compris, sont extrêmement importantes, évidemment. Voilà, c'est donc c'est pendant ces quatre lettres-là que Séné éprouve le besoin d'entrer un peu dans les détails de la composition des Noces de Figaro, pourquoi il trouve certains moments absolument merveilleux. Et donc il entre un petit peu comme c'est un doctorant qui prépare une thèse. Il est un peu voilà contaminé par ce par ce penchant donc ce sont des moments où et dans la première ébauche de ce livre ces lettres étaient beaucoup plus importantes. Il a fallu que j'élague, j'ai procédé à un travail de suppression, de simplification. Il fallait pas que ce soit. Je sais que Rousseau a écrit La Nouvelle Héloïse, et c'est un roman par lettres. Parfois, il y a des lettres qui sont interminables. Voilà, il fallait pas que j'imite le style de Rousseau. Donc, ce sont des lettres relativement courtes. Une page ou deux. Voilà, rassurons les lecteurs, c'est tout à fait lisible. Hein. Et ça contient le cœur, au fond, de votre analyse de l'œuvre. On va y revenir, qui est inséparablement artistique et politique. Thank you. Vous êtes sur Radio Clapas 93.5, et ça, c'était Les Noces de Figaro, Mozart, l'air célèbre de Chérubin. Chérubin, c'est ce personnage de jeune page du conte, hein, le conte redoutable, et Chérubin découvre l'amour. Et il appelle au secours parce qu'il est perturbé par les troubles de l'amour. Voi che sapete che cosa è amore, vous qui savez ce qu'est l'amour. Exactement comme tu le dis, Marc. Voilà. Alors, un opéra comme quoi il y a du sentiment dans Les Noces de Figaro. Mais on a entendu tout à l'heure un domestique qui se révoltait un petit peu contre le comte. Un opéra qui est aussi un opéra politique. C'est ce que va nous expliquer Akira Mizubayashi, grand spécialiste des Noces de Figaro. Alors, je renvoie aux très belles pages, en effet, que vous consacrez au personnage de Suzanne dans Une langue venue d'ailleurs. Oui, je crois que je cite le personnage d'Adorno. Vous citez Adorno. Et vous expliquez voilà, ce qui vous a séduit enfin, dans ce personnage qui pour vous est l'héroïne hein, de l'opéra qui est Suzanne. Et en tout cas, qui révèle pour vous la dimension inséparablement, je disais, artistique et politique en fait, de l'opéra. Mm. D'ailleurs, toute votre approche de l'œuvre mêle les deux dimensions. C'est ça. Pour moi, l'esthétique et la politique sont inséparables. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, et vous êtes un spécialiste du XVIIIe siècle, hein, vous êtes interrogé sur ce que vous appelez un miracle, pour vous, les Noces de Figaro, sur le plan musicologique, c'est-à-dire la relation des voix entre elles et la manière dont chaque voix, dites-vous, parvient à garder son individualité tout en se fondant dans une unité qui ne les annule pas. Hein. C'est ça. Oui. Et pour vous, ce miracle en réalité musicale doit être réinscrit ou mis en relation avec un contexte politique qui est celui de la naissance de la démocratie. La naissance de la démocratie, oui, là, c'est absolument contemporain de ce qui s'est passé autour de 89 et puis la constitution de 91. Et voilà, la question que je me suis posée, c'est la suivante. Pourquoi ce miracle musical se produit autour de 89? Et les trois opéras qu'il a écrits, Les Noces de Figaro d'abord, ensuite Don Giovanni, ensuite Così fan tutte, ce sont trois œuvres rigoureusement contemporaines de l'événement de la rupture révolutionnaire. Et pourquoi la naissance de la démocratie est d'une part, et puis la naissance de cette forme musicale, où, comme Maxime l'a dit, l'affirmation individuelle de l'expression de la singularité individuelle sur le plan musical, et puis en même temps le concert des voix, hein, des voix diverses qui s'expriment individuellement, mais ces voix diverses constituent un ensemble harmonieux. Voilà, et je pense que sur ce plan-là, comme il y a beaucoup d'ensembles vocaux dans Les Noces de Figaro, il y a un des moments miraculeux de cet opéra, c'est le second acte, le deuxième acte. Ça commence par un duo, ensuite un trio, ensuite un quatuor, ensuite un quintet, ensuite septuor. L'immense finale de la fin du second acte, c'est absolument, je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Il y a deux camps antagonistes, le camp du comte Almaviva, d'une part, et le camp de Figaro et de Suzanne, de l'autre. Il y a des divergences d'opinions, il y a des divergences de points de vue. C'est un véritable antagonisme qui est exprimé, mais en même temps, l'ensemble constitue, un univers sonore absolument harmonieux. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas cela l'équivalent musical de la démocratie, hein? Il y a des voix diverses, qui se critiquent, mais en même temps, ces voix diverses vivent dans le même espace et constituent une société un ensemble social qui, comment dire, qui tient debout, voilà. Donc je ne sais pas si Mozart était conscient de cet aspect-là, certainement pas, mais comment dire, quand on l'observe, quand on observe l'œuvre, ce qui se passe dedans, dans cette œuvre, et quand on observe ce qui se passe à l'extérieur de cette œuvre, c'est-à-dire au moment où cette musique naît, qu'est-ce qui se passe dans la société? Voilà, il y a des événements politiques extrêmement révélateurs. Et je dois dire que cette approche, comment dire, simultanée du dedans et du dehors, observer minutieusement ce qui se passe à l'intérieur d'un texte, à l'intérieur d'une œuvre, à l'intérieur d'un passage, à l'intérieur d'une phrase musicale, donc examen minutieux du dedans, et puis d'autre part, porter un regard sur les alentours de ce microcosmos, c'est l'œuvre. Cette approche-là, je l'ai apprise auprès d'un grand maître de critique littéraire, de réflexion littéraire, un maître qui s'appelle Jean Storbinski, à qui je rends un hommage dans une langue venue d'ailleurs. Donc là aussi, c'est un couloir secret qui conduit d'un amour de Milan à une langue venue d'ailleurs. Je reviens au livre. Il y a une expression qui m'a beaucoup frappé dans le livre, dans la première lettre que Sen-Nen envoie à Clémence. Mmh. C'est l'expression, à propos de l'opéra, Sen-Nen dit « c'est une des plus hautes réalisations de l'esprit créateur ». Ah oui. Or, vous ne vous en cachez pas, vous êtes athée, ou en tout cas vous n'êtes pas croyant. Mmh. Voilà. D'ailleurs, vous dites que le Japon n'est pas vraiment une société... Religieuse, voilà. Non, c'est une société sans religion, je dirais, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit créateur? L'esprit créateur, c'est l'esprit... vous sentez quelque chose de religieux dedans? Non, pas nécessairement, mais je trouve que c'est une formule assez forte. J'imagine que c'est l'esprit humain. L'esprit humain, oui. L'esprit... la création artistique... à l'état pur, c'est en ce sens-là. Je crois que dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la peinture, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la littérature, je crois qu'il y a des réalisations extraordinairement importantes de l'esprit créateur. Je crois qu'en littérature, on peut parler de ça, en musique, on peut parler de ça, en peinture aussi, on peut parler de ça. Voilà, c'est la preuve de l'humain, en quelque sorte, l'esprit créateur. Ce qui nous permet d'avancer, en quelque sorte. De ne pas désespérer aussi. De ne pas désespérer, oui. Chaque fois que j'écoute cet opéra, je suis véritablement émerveillé et, comment dire, je suis de bonne humeur et je reçois une sorte d'encouragement, effectivement, oui. Oui. D'ailleurs, c'est un des sujets abordés, dans mon livre, et j'ai parlé de miracle tout à l'heure, et dans ce roman, il y a un miracle qui se produit. Je ne dis pas plus, mais il y a un miracle qui se produit justement à l'écoute de cet opéra, qui est un miracle lui-même. Et quand les hommes écoutent cette musique, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit dans chacune des âmes qui l'écoute. Et voilà, donc ce roman avance petit à petit vers ce miracle-là. il me semble. C'est un peu comme ça que j'ai essayé d'écrire ces histoires. Et ce mouvement m'a été signalé par l'écoute, justement, d'une version des Noces de Figaro que j'ai découverte, tout à fait par hasard. C'est un chef d'orchestre, un jeune chef d'orchestre grec qui travaille en Russie, qui s'appelle Théodore Kourentis. Et quand j'ai écouté sa version, j'ai été émerveillé, mais différemment émerveillé. Ça a été une découverte pour moi. Et ce qu'il disait à propos de son travail d'interprétation de cet opéra m'a permis d'orienter un peu différemment les histoires que je raconte. Mon désir de transmettre à celui qui me lit ce sentiment de miracle que je porte en moi depuis longtemps à propos de cet opéra, il s'est concrétisé en quelque sorte. Il a trouvé un chemin à suivre grâce à la découverte de cette version. Et je ne sais pas si je vais plus loin. J'ai été tellement frappé que j'ai mis en exergue une partie de son interview qu'il a donnée à un journaliste. Voilà, donc je crois que c'est la première chose qu'on lit. Hein. Ouais. Après le titre, il y a trois petits textes que j'ai mis en exergue. Le premier texte, c'est un passage de l'interview de ce chef d'orchestre à propos de son travail d'interprétation des Noces de Figaro. Et bon, je peux faire un résumé de ce, parce que ça a été véritablement un moment de déclenchement pour moi. Ça m'a permis donner un élan particulier à l'histoire que je racontais à ce moment-là. Voilà, donc c'est un moment important pour moi dans l'écriture de ce livre, dans l'effort de construction de ce livre. Et je ne sais pas s'il faut que je... Oui, mais on peut le dire. Alors, je vais peut-être lire, Maxime, tu peux lire. Non, mais dans le contraire. Alors, donc, c'est la première chose que vous allez lire en ouvrant ce livre, sauf le... Bon, mis à part le titre, et puis le nom de la personne à qui je dédie ce livre. Hein. Après ça, il y a la première... citation, le premier texte mis en exergue. Alors c'est une conversation entre le chef d'orchestre et le journaliste qui l'interroge. Qu'est-ce qui vous a poussé à fournir un effort aussi extraordinaire pour ce projet d'enregistrement des Noces de Figaro? Il a travaillé pendant plus de 10 ans, je crois. La réponse de Kourentis. On pourrait dire que c'est la représentation des Noces de Figaro que nous avons donnée il y a 10 ans dans un hospice moscovite devant des malades en phase terminale. Le but du spectacle était de célébrer la vie. Et je n'oublierai jamais l'effet que cette musique a produit sur ce groupe de personnes qui, à ma connaissance, ne l'avaient encore jamais entendu. Tout en dirigeant, je ne pouvais m'empêcher de penser: dire qu'on peut mourir sans avoir entendu ce chef-d'œuvre. Mais qu'en serait-il si ce danger menaçait tout le monde, même ceux qui connaissent parfaitement l'œuvre par l'intermédiaire du disque ou parce qu'ils vont souvent à l'opéra? Voilà. Et après, voilà, c'est donc il y a un miracle qui se produit. Voilà, fin de cet entretien, des extraits de cet entretien avec Akira Mizubayashi autour des noces de Figaro, comme quoi littérature et musique peuvent faire bon voisinage. Mozart, qui n'était pas quelqu'un de très facile, qui a dû tout le temps se battre à son époque pour imposer sa musique, y compris les noces, ceux qui ont vu le film Mozart Amadeus, on peut être en souvenir ce passage où il présente justement les noces. Il dit à l'empereur, mais c'est pas un duo, c'est pas un trio, c'est pas un quatuor, c'est 4, 5, 6. Et effectivement, on a un final avec 8 chanteurs. Et puis, c'est quand même un compositeur qui s'est pris des coups de pied au derrière de la part de son employeur, quand même. Et il y a d'autres musiciens aussi peu faciles, avec un sale caractère. Et par exemple, allez, on va changer de style, Miles Davis. Christian. Oui, effectivement, je te remercie, Marc, pour cette habile transition, parce que nous... Ah, t'as vu ça, hein? Ah oui, oui, je suis tout à fait pantois, assis, abasourdi, enfin bref. Donc, effectivement, Miles, pour son autobiographie, alors disons-le tout de suite, c'est la version en livre de poche, hein, de l'autobiographie de Miles, qui vient d'être réédité, puisque c'est le livre de poche. C'est dans la désormais belle collection qui s'appelle La Petite Vermillon. Et c'est un livre qui a été écrit, donc co-écrit, à quatre mains, par effectivement Miles et un certain Quincy Troup. Alors, Quincy Troup, manifestement, c'est lui qui, comme on le dit, a tenu la plume. Voilà, c'est assez clair. Et la relation Quincy Troup et Miles Davis, on comprend qu'elle fut assez tumultueuse. Ceci étant dit, le tumulte, à mon sens, est quand même consubstantiel à la vie de Miles Davis et ainsi qu'à sa musique. Mais nous allons l'entendre, Miles. Nous allons l'entendre. Un extrait de We Want Miles et j'y reviendrai. Thank you. C'était Jean-Pierre, un titre de Miles Davis, extrait de cet album en public qui s'intitule We Want Miles. En fait, c'est le grand retour de Miles après des années de silence, le grand retour de Miles sur scène. Il est accompagné par Marcus Miller à la Fender Bass, Bill Evans, le saxophoniste, l'extraordinaire Mike Stern que l'on entend dans une version qui inaugure le texte mais qui est beaucoup plus longue de Jean-Pierre, Al Foster, un ancien fidèle à la batterie, Mino Cenello, percussion. C'est enregistré en public à Boston, à New York, à Tokyo en 1981. Et je disais donc que l'autobiographie de Miles, coécrite avec Quincy Troup, c'est un document tout à fait passionnant, tout à fait intéressant. Alors bien entendu, on y rencontre des musiciens, c'est bien la moindre des choses, des maîtres que Miles a toujours considérés comme tels, Charlie Parker, Dizzy, Thelonious Monk, Bud Powell et évidemment Gil Evans avec qui il a beaucoup travaillé en studio. Bon, ça c'était chose. Et puis Miles, je m'attendais à quelque chose de très hagiographique et en réalité, en vérité, eh bien Miles n'est pas tendre. Il n'est tendre avec personne, mais il est très autocritique également. Je crois qu'on y trouvera le côté parfois tout à fait insupportable du personnage. Je n'évoquerai que ses relations avec les femmes qui sont, disons-le ici, qui sont détestables, particulièrement détestables. Et puis il y a toute cette période où il est sous influence des différentes drogues. C'est assez impressionnant de voir de quelle façon quotidiennement il consomme de la drogue et de l'alcool. Il est complètement épuisé, il arrive à jouer. Et puis il y a aussi ses remarques concernant la musique. Et là, je crois qu'on a affaire à une sorte de, je ne sais pas, vade-mecum musical, quoi, puisque vraiment Miles, c'est un créateur dans toute la puissance, dans toute la contradiction du terme. Et puis, il y a la dernière période qui est le Miles électrique, dont vous venez d'entendre une version de 81, je le disais. Et là, on a affaire au Miles découvreur. C'est lui qui va embaucher, je le dis comme ça, un certain Kay Jarrett. C'est lui qui va embaucher un autre pianiste et non des moindres qui s'appelle Chick Corea. C'est lui qui va faire venir Dave Holland dans son groupe, par exemple. C'est lui qui va travailler avec Marcus Miller. Marcus Miller qui va être plus tard son producteur et le maître d'œuvre de ses disques futurs. Voilà, le Miles découvreur, le Miles à l'écoute des sons du présent. Hein. Il le dit toujours, pourquoi refaire ce que d'autres ont si bien fait ? Il y en a marre. Il le dit souvent, c'est bullshit. Je traduis, c'est une vraie merde. Hein, ça revient souvent dans ses propos. Par contre, là, on écoute. Et puis, il était à l'écoute aussi de Jimi Hendrix, avec lequel il a failli jouer. Il existe quelques moments musicaux avec Hendrix, mais ils sont très rares et difficiles à trouver. Sly and Family Stone. Hein, il était très proche du funk vers la fin de sa vie. Voilà, c'est donc l'autobiographie de Miles Davis, coécrite avec Quincy Troup, dans la petite collection Vermillon. Je ne peux que vous en recommander la lecture, non seulement si vous aimez la musique, mais également si vous aimez l'écriture, parce qu'il y a une écriture dans ce livre-là. Il faut aussi le dire. C'est un livre écrit, ce n'est pas un simple livre qui relate des faits bruts. Voilà. Miles Davis, Quincy Troup. Voilà, donc autobiographie. La petite Vermillon, collection de poche, oui, de l'éditeur La Table Ronde. Oui, voilà. Oui, attends, juste une petite édition de poche. La Table Ronde refait revivre cette édition de poche, puisqu'elle existait déjà, La Petite Vermillon. C'est une nouvelle présentation avec de nouveaux titres, et je pense que c'est une véritable réussite. Bien, ben voilà, c'est sur cela que nous terminons cette émission littéraire. Ça ne se remarquait pas parce qu'elle a été très musicale aujourd'hui autour de Miles Davis et puis autour d'Akira Mizubayashi, écrivain japonais, qui est édité, lui, chez Gallimard. Et puis, comme il s'agissait aussi beaucoup de Mozart le roman de Mizubayashi, précisons que la version des Noces de Figaro, rappelons, dirigée par Theodore Kourensis, qui dirige l'ensemble Musica Eterna, et c'est édité chez Sony Music. Merci à vous, bonne lecture, vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 et après nous, je ne sais pas exactement, mais ça continue. Au revoir à toutes et à tous, à bientôt.